Les débats. Pas de radio et pas d'insultes. De Gérard. Et voilà, vous venez d'écouter les frontières se branlent avec. Les fonctionnaires se branlent avec vient me raboter la paroi anale et le premier c'était je l'ai pas. Ça c'est le deuxième. Non, c'était le remix, on a mis un remix. C'était le premier là que tu viens d'annoncer. Mmh. Et là on vient de remettre un remix. Deux sur toi. Ah, ok. Deux sur toi-même. Alors God Ceinture de Poitiers, ta fréquence s'il te plaît. Oui, bonsoir GG. Ta fréquence. 1.9. Ouais. Chanel, 101.9. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Fais la bêtise. Oui, bonsoir, philatéliste. Ta fréquence, s'il te plaît. 100.9. GG, c'est vrai que tu pètes au lit. Et ta soeur, c'est vrai qu'elle suce. Non, je sais pas. Alors, la fréquence de Blois. Ah, de Blois, attends, je sais pas. Plus... Bon, t'en sais rien, alors c'est pas grave. Zizidane. Oui, bonsoir GG, bonsoir. Ta fréquence de Royan. Alors Royan, c'est 117.5. Ouais, ben je vais contrôler, mais ça m'étonnerait. Alors, donc vous êtes toujours sur Fun Radio, donc il y a Manu au... Oh, putain, tu m'as fait peur. Il y a Manu au standard qui vous accueille. Ouais. Salut Manu. Rigo. Rigo, qui est toujours sur l'IRC www.fr. Salut Rigo. Salut Rigo. Salut Rigo. Salut Rigo. Donc, je dis pas bonjour à Rigo. Mais... Salut à tous mes sauces. Sans la... Oh, ça sent pas la grosse. Quoi, ça sent pas la grosse? Toi, tu fermes ta gueule. Non, c'est pas ma voix, tu reconnais ma voix. Quoi. Oh là là, vous êtes méchant. Oh, comment ça? Toi, tu vas m'éteindre ton micro, d'accord? D'accord. Oh là là, sa gueule, hein. Il est pas content, hein. Bon, l'équipe. Bon, Gérard, tu... Bon, vas-y, tu viens, Manu, si ça te plaît pas, tu sais ce que tu fais? Tu prends ton casque. Tu prends ton casque et tu te casses et on prend quelqu'un d'autre à ta place au standard. D'accord, ok? D'accord. D'accord. Alors, en de bon entendeur, salut, tu me fais du bon boulot, pas comme c'est salut. Le premier débat. Ok? si je peux voir le sondage du débat. Oui, il est là, juste là. Mais t'as même pas fait les 35 heures, là. Je non, mais je veux pas le savoir, les 35 heures, on les refroid parce que vous m'avez foutu que de la merde. Sur IRC, ils veulent pas que tu le refasses, hein. Ils m'ont dit c'était tout pourri. Non, non, mais on le refera. Ouais, bien sûr. Vous savez pas où sont placés les papiers. C'est pas mal. Alors les trucs quand ils sont sur les débats de Gérard, voilà. Vous me les laissez. Voilà. Vous me les laissez, vous me faites une case et moi je m'en occupe. Bon Gérard, t'es toujours d'accord pour le rendez-vous demain? Ta gueule à toi. Rigo, avant qu'on attaque les collections, juste avant la pub, avant le disque, 7 minutes de pub. On était 8428 et Gérard, maintenant. Va te chercher un café, mange-toi. Bah t'es enculé, toi, connard. Arrête d'être vulgaire, Gérard. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais putain, mais vous arrêtez de me. Vous allez arrêter de me balancer des conneries. Pas moi. Hein? Parce que moi, tout ça, moi, je vais le faire sauter. Parce que pour l'instant, c'est toi qui fais que des conneries. Ok? Donc avant le disque les fonctionnaires on était 8000 et maintenant on est je sais pas. Ah ben celui qui pourra nous le dire me le dira et ça sera sympa de sa part. Alors que peut-on collectionner de valable ou autre? On va demander ça à merde. Je fais quoi de la fiche des God Ceinture. Bah écoute, je pense que toutes les collections, tu peux faire toutes les collections. Tu peux collectionner les timbres aussi bien que les cartes téléphoniques. Et je pense aussi que les signes aussi peuvent aussi collectionner les garçons. Parce que tu vois beaucoup de filles qui peuvent collectionner, tu vois, ils ont plusieurs copains et tout, quoi. Tout à fait. Mmh. Et, donc ça peut être considéré comme une collection. Ouais, une collection de mecs, ouais, c'est vrai. Aussi bien pour les filles que pour les garçons. Attendez. Et moi, je vous préviens d'une chose. Vous laissez parler les gens quand je les interroge. Ceux qui font j'en ai rien à foutre. Non, mais t'inquiète pas, ils sont d'accord avec moi. Bah oui, bien sûr. Non, mais pour l'instant, c'est moi qui commande le jeudi. Donc c'est moi qui pose mes questions. Je pose à chacun leur tour. Mais alors maintenant. Problème, GG. Maintenant, ceux qui veulent répondre plus vite, qui donnent leur nom et passent ça en priorité. Ouais, et s'ils sont pas contents, ils dégagent. Voilà. Le problème, c'est Zizidane. Alors, vas-y. Ouais, ben, je voulais dire, je suis tout à fait d'accord avec la charmante demoiselle. Parce que moi aussi, j'ai un petit peu collectionné les conquêtes et les aventures amoureuses et sexuelles quand j'étais jeune. Donc effectivement, on peut collectionner les filles, quoi. Il n'y a pas de problème. Mmh. Et d'ailleurs, je suis bien content qu'il y ait plein de filles à l'antenne avec moi ce soir. Je pense que ça va collectionner grave. T'es content, hein. C'est clair. Il est trop content. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Ouais. Philatéliste. Ouais. Oui, et ben moi je pense que la collection la plus connue, c'est la collection de pain, mais celle qui est pas mal non plus, c'est la collection de nains de jardin, parce qu'ils sont tous différents et c'est vachement sympa. Ouais, non mais là je te reprends tout de suite là, sur la collection des nains de jardin. C'est vrai que on en a parlé pendant X ouais. temps. Ouais, j'ai déjà fait un débat sur les nains de jardin. Ah, c'était bien, vous vous souvenez les mecs? Ouais, super sympa. Ouais. Non mais attends, Fildar, s'il te plaît. Non, Fildar. C'est le bon vieux temps. Fildar, s'il te plaît. Il y a pas longtemps. Toc. Non mais les nains de jardin, ça avait ni queue ni tête, Gérard. Ouais, mais ça, l'autre. Là, sur l'autre, sur l'internet, la nana, là, elle va se faire foutre pour sa conclusion parce que ça m'intéresse même pas. Donc, parce que je sais très bien que la fin du débat, elle va dire ton débat n'avait ni queue ni tête comme toi. Alors, qu'elle aille se faire foutre. Elle le dira si c'est le cas. Ouais, non, mais qu'elle aille se faire foutre, c'est pas la peine qu'elle insiste avec toi. Vas-y, Gégé, la couche. Ah, mais Gégé. Oui. C'est goût de peinture. Ouais. Moi, je voulais dire, tu vois, que quand on fait une collection, c'est vrai que ça coûte quand même un peu beaucoup d'argent. Hein. Non, mais pour l'instant. Si t'as pas d'argent, c'est pas utile de faire une collection. Goût de peinture. Ouais, c'est fini celui qui rompe. Pas cher, 50 francs de peinture. Putain! Non, mais Gérard, calme-toi, je suis en train de parler avec toi. Vas-y, on t'écoute. Putain, il y en a un, je vais le tuer là. Lequel, Gérard? Parce que là. T'as entendu? Non, mais attends. Pour l'instant, j'en ai un, je vais le tuer. Là, ça commence à bien faire. Manu, s'il te plaît. Saigner, hein. Tu as essayé de me gerber, le mec. Ah non, c'est pas moi, je dis, arrête. Non, mais moi, je m'en fous. Tu as essayé de me gerber, le mec qui s'amuse à parler sur les gens. C'est pas moi. Parce que je commence à en avoir ras le bol. Mais il réagit. Non. Il réagit. Et tu me vires pas, gars de ceinture. Bah, si, c'est ok. C'est elle qui fait. C'est elle, le mec. Arrête. Il y a rien de la baston. Pourquoi t'énerver des gens? C'est de la violence. C'est, non? T'as envie de te marrer, allez, regarde-le. Viens-là. Allez, viens-là, je te jure. Ce jour, ton bébé rose, elle va avoir des problèmes. En menace. Allô? Oui, elle est. Elle est là, regarde, dites-toi qu'il était là, bonne ceinture. Ouais, je suis là, mais je sais pas, j'entends très mal, hein. Ouais, mais ça, c'est le standard, on n'y peut rien. Non, c'est le standard, qui c'est qui renifle comme un cochon? Ah non, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi, hein. Je suis propre, hein, franchement. Il n'y a pas de problème. Bien sûr, bien sûr. Bye, good bon. Good Philatelsi. Oui, Philatelsi. Philatelsi, dans la Tessie. Non, mais. Ouais, je t'avais dit les nains de jardin, mais il y a aussi une collection. Mais je voulais te poser une question. Est-ce que quand on a plein de CD, on peut considérer ça comme une collection de chansons? Oui. Oui. Bon, alors une collection de chansons, et c'est tout le monde en fait une, mais sans le savoir, alors, apparemment. GG. Je suis pas d'accord, moi, j'aime pas les timbres. C'est coup de ceinture. Enfin, moi, je voulais te dire, parce que je sais pas si tout à l'heure on a pu m'écouter, je sais pas si j'étais hors antenne ou pas. Non, mais attends, pour l'instant. J'ai pas bien entendu, hein. Attends, 5 minutes. Pour l'instant. Ah, c'est bizarre. Tu vois, tu te fous de la gueule, Fildar. Qu'est-ce qui se passe? Gérard! Mais je t'écoute, moi je dis que j'étais pas d'accord avec les timbres. Ah ouais! Je trouve pas que ce soit une belle collection. Ouais! Les timbres ou les chansons? Alors, Les timbres, je suis désolée. Hein. Un peu ringard. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon, alors, garde ceinture! Oui, moi je te disais que. Parce que je sais pas, on a dû me couper, je sais pas. Non, je te disais que pour en faire une collection, faut d'abord avoir de l'argent. Si t'as pas d'argent, c'est pas la peine d'en faire une. Non, mais je suis d'accord avec toi. On va demander à Chanel avant que je donne ma réponse. Pas de marque. Oui. Non, mais dans ces cas-là, faudrait peut-être pas. Non, mais c'est mon vrai nom, Chanel. Ouais, non, mais moi, j'aime pas trop prendre des noms de parfums. Alors mais donc. Tu connais pas français comme Julia Chanel, quoi. Tu connais pas Julia Chanel, voilà. C'est une actrice de bouche. Bon, sur la miroir, on peut tout collectionner. Tout. Alors, précise. Tout, Gérard. On peut collectionner les tableaux, on peut collectionner les boîtes de cacahuètes, on peut tout collectionner. Tout ce qui s'achète se collectionne. Non, mais moi, y a une question qui est bizarre. Merde, 5 minutes. Larsen. Non, mais c'est moi. Là, là pour l'instant, c'est pas moi qui fais du larcène. Hein. Ouais, enfin, c'est pas très agréable. Hein. Ouais. Là, c'est pas moi qui roule larcène. Mais il y a une question que je voulais poser. Là, il y a combien de nanas là? Il y a deux nanas. Non, il y a Good Ceinture. Il y en a trois, il y en a trois. Good, good. Good, good Ceinture. Good Ceinture et. Good. Et puis là. Putain, le larcène! Non, c'est un portable. Ouais, c'est un portable qui s'allume. Ouais, c'est qui? Je sais pas. C'est quoi ce bordel? C'est pas moi. C'est pas toi, Laurent? Non, pour l'instant, je suis dans les studios, j'ai pas de portable. Hein. Il y a donc, pas de dans les studios. Donc, moi, je voulais vous demander, est-ce qu'il y en a parmi vous, parmi les nanas ou parmi les mecs qu'on a sur l'antenne, est-ce qu'il y en a qui collectionnent des soutiens-gorge et des petites culottes? Ouais, moi, je collectionne les strings. Ça fait. Qui? Moi, je suis philatéliste. Ouais, je t'écoute. Bah, je collectionne les strings en dentelle. Attends, 5 minutes. Répète ce que tu viens de dire, toi. J'ai dit putain, je le savais. Ouais, bien sûr. Ah, putain, ce sera ma dernière phrase. De toute manière, on dit pas putain, on dit maman travaille. Qui collectionne? Alors, qui collectionne? Allô, Gérard? Bah, ouais, non, philatéliste, moi. C'est moi. Ouais, je t'écoute. Bah, je te disais, je collectionne les strings en dentelle, blanche, noire. Enfin, j'aime beaucoup les couleurs aussi. Puis les soutiens-gorge aussi. J'aime beaucoup. Avec Goût de Ceinture, c'est pareil aussi, hein. On va toi. Je collectionne les soutiens-gorge, culottes, tout, fond de jartel. Ouais, je vais pas énumérer tout ce que je peux avoir. Je la connais, c'est quoi cette voix? Pas des guépières, Goût de Ceinture? Chanel. Oh. Oui. Pas des guépières. Oh. Ah oui, moi j'ai tout, hein. T'as des guépières aussi? Ouais, ouais, j'ai tout, hein. Et tu toute une collection, pour c'est incroyable. À ton homme. Gérard. Gérard. Ouais. Ok. Oui, Rigo. Oh là. C'est rien, c'est rien. Quoi? Il y a plein de gens qui te demandent ce que tu collectionnes ou ce que tu collectionnerais. Gérard. Alors, moi, ce que. Et il y a Yankee qui est sûr que tu collectionnes le même caleçon depuis 3 ans, quand même. Non, alors, moi, ce que. Moi, mes collections préférées, c'est. De manière, tout le monde le sait parmi vous. Écoute, moi, c'est les camions. C'est plutôt un élevage qu'une collection, c'est ça? Ta gueule à toi! Parce que toi, Zizidane, oui, tu vas retourner au standard et je te dis au revoir! C'est terminé! C'est terminé! Au revoir! Bah pourquoi? Zizidane, si tu pouvais mettre ton micro, parce que ça m'intéresse. Ouais, ben, toi, fais gaffe, parce que tu risques de le retrouver. Bah, elle a rien dit, c'est bon! Alors, moi, je collectionne. Ah, il y a quelqu'un qui jouit, ouais. Ouais. Peut-être Goût de Ceinture. Non. Justement, il y a sur le Minitel, il y a Bocal qui demande si Goût de Ceinture, tu voudrais pas collectionner les Zizi. Non, je crois pas, non. Non, mais j'en ai qu'un, ça me suffit, hein. De quoi? C'est une belle bête. J'en ai qu'un, ça me suffit, mais pas moi, hein. Ah, c'est un transsexuel. Non mais moi pour finir pour savoir ce que je collectionne le plus, ouais. Moi c'est les camions. Ouais, on le sait, on ça prend fout. De la place, ça, Gégé. Ouais, ben. Non, on s'en branle, vas-y, fais le débat. Quoi, on s'en branle? Attends, je peux répondre aux questions? Non, mais c'est pas grave. Toi, tu collectionnes quoi? Qu'est-ce que tu collectionnes? Tes photos. Les PV! Non, tes photos à poil. Non, les PV! Moi j'ai une batterie de ouais, une batterie de ton cul. Ouais. Alors attends, moi je vais dire une chose maintenant, les gens sur internet, vous allez arrêter de balancer des saloperies sur moi. Parce que je commence à en avoir ras-le-bol. Et toi c'est pareil, ok? Ouais, tu vas arrêter de dire des conneries la semaine. Parce que j'entends, je sais pas ce que je t'ai fait, mais tu m'en veux pour dans la semaine. Hein. Bah, c'est normal, tu l'as frappé. Ouais, non, mais même. Bah, moi si, je veux pas le simplement. Savoir. Je veux pas le savoir. Alors, les collectionneurs. Oui. Merci bien. On va accueillir Benjamin à la place de Zizidane. Alors Benjamin, bonsoir. Oui, bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Allez, bonsoir. Je te kiffe, Hilda, je te kiffe. Ouais, tu commences par te la fermer, d'accord? T'es pas dans une libre antenne, t'es dans les débats. C'est okay. Oh, mais c'est pas méchant. Ouais. Alors, les collectionneurs mettent-ils le prix fort pour un objet? On va demander ça, bah tiens, à Benjamin. Bah moi, disons que je suis collectionneur d'images Panini. Je fais la collection de tout ce qui est, je sais pas si tu connais, tu sais, les dessins animés, c'était Cobra, les Schtroumpfs. Ouais, bah précise bien les noms, comme ça on aura des problèmes. Alors, tu t'écrases pour un temps, t'es dans mes débats, d'accord? Ok, pas de problème. Alors tu précises pas de marque. Ok. Alors, disons que je fais la collection d'albums de petits nains bleus avec des bonnets blancs. Ouais, ben c'est bon, alors... Non, c'est bon, on a compris, t'arrêtes pas de citer des marques. Alors Manu, tu me le prends en antenne, tu lui dis que je veux pas... Tu retournes au standard. Mais je comprends pas, il a rien dit, franchement. Delphia. Philatéliste. Ouais, alors pour toi. Bah, à mon avis, ouais, ils sont capables de vachement dépenser. Par exemple, moi, je fais une collection de pistolets, entre autres, hein, et puis je suis capable d'acheter des trucs vachement chers, quoi. Donc, à mon avis, les vrais collectionneurs, ils peuvent dépenser mais n'importe quoi pour même des petites boîtes en sucre, des trucs comme ça, quoi. Enfin, non, mais faut se dire une chose, quoi. Merci Fildar, parce que toi, pour l'instant, ce soir, t'es en train de me faire que de la merde. Il y a quoi? Non, mais attends, je te dis, pour l'instant, j'ai un son qui est trop fort. Bah, tu baisses le volume de ton son. Ah ouais, et quand je le baisse, j'entends pas ce que les auditeurs me disent. Bah, si. Hein? Alors, toi, tu ferais mieux de t'occuper mieux de ta ria. Et là, c'est mieux? Donc, moi, je peux vous dire, maintenant, comme ça. J'entends pas. Gérard, sur IRC, il y a Isidore qui te demande si tu collectionnes les rasoirs neufs. Non. Parce que comme t'es jamais rasé, il se demande c'est parce que tu t'en sers pas. Ah bon, je suis pas rasé. Non, presque pas. Ouais, disons que c'est rasé, pas la barbe. Je me suis quand même rasé dans la semaine. C'est beau comme un camion. Voilà. Les collectionneurs mettent-ils le prix fort? Donc c'était pour un objet, donc c'était avec qui j'étais? T'étais avec Philatéliste, avec moi. Oui. Oui, je disais que oui, ils peuvent dépenser des fortunes, d'ailleurs ils peuvent se ruiner et tout, parce que c'est... Ouais. Mmh. Bah oui, non, l'amour d'un objet, pour l'amour d'une collection, ils peuvent... Ouais, comme par exemple, je suis sûr que l'autre avec ses images Panini, il a dépensé des fortunes, quoi, alors que c'est n'importe quoi. Non, mais de toute manière, dans les images, de toute manière, tu dépenses pas cher, tu dépenses 5 balles. Ouais, un album, ça compte environ 8 francs. Non, mais attends, pour l'instant... Ça a changé avec l'euro... Ouais, avec l'euro, ça fait, je sais pas, 8 euros à peu près. Chanel. Ou plus. Chanel. Oui. Chanel. Moi, j'ai une famille qui est pétée de thunes. Donc, quand j'ai envie d'un truc, je me l'achète. Donc, j'ai plein de collections. Mais Gérard, je voulais savoir à partir de combien d'objets tu considères qu'on a une collection? Alors là, je vais te dire une chose que... Bon, tu sais qui renipe comme un bouc, là? Pas moi. Gérard, je crois que c'est le bruit de quelqu'un qui jouit, quoi. Donc, toi, quand tu jouis, tu renifles comme un bouc. Non, en principe, non. Qui c'est qui me demandait? Chanel, tu m'as posé. Je t'ai demandé à partir de combien de jours tu considérais qu'on avait une collection. Ça y est, Gérard, je te remercie de violer dans mes oreilles. C'est pas grave, il prend son plaisir, c'est tout. Il prend son plaisir. Alors, Chanel. La raison, c'est la jeunesse, hein. Chanel. Gérard, sinon sur IRC, il y a Turpentine qui dit qu'elle collectionne ses conclusions. Bon, elle, pas mal, Turpentine, elle va se faire foutre. Ta gueule ! Ah, il y a un deuxième GG apparemment. Alors, Fildar ! Ouais. Dernière fois, t'arrêtes tes conneries avec ta merde. C'est pas lui qui sinon, je te balance les deux cartons dans ta gueule. Mais attends, c'est pas les cartons qu'on voit des sons, hein. Non, parce que pas. Bah comment je fais? J'ai une antenne, j'ai une petite antenne là. Bah ouais. Et j'appuie sur des boutons dans le carton. Alors Chanel. Oui Gérard. Chanel pour toi. Je t'ai dit, moi j'ai plein de fric, donc j'achèterai n'importe quoi. Je voulais savoir à partir de combien d'objets tu considérais qu'on avait une collection. C'est une question intéressante. Moi je peux te dire une chose que là, à l'heure actuelle, j'ai pas encore calculé combien que j'avais de camions ni de voitures. Je crois que je dois arriver à plus de 200 en tout. Donc pour toi, une collection, c'est 230. Moi, je sais que je ne mettrai pas... Par contre, il y a un camion qui m'intéresse, mais c'est vrai que je vais avoir du mal à le trouver, parce qu'il vaut quand même assez cher. Bah, dis-le, c'est quoi? C'est le dernier Magnum. Le Magnum sur coussin d'air qu'on voit avec maintenant. Les moustaches. Mais je te l'opérerai, Gégé, c'est pas grave. Il volait des collections dans mon porte-monnaie. Bon, alors là, c'est terminé. Ah, donc, c'est fort. Alors, God ceinture. Good. Ouais, tu peux me répéter la question? Non, mais là, j'étais ailleurs. Hein, j'étais ailleurs. T'as qu'à revenir plus tôt, hein, c'est tout. Alors, les collectionneurs mettent-ils le prix fort pour acheter un objet? Ouais, je pense que oui, ils peuvent mettre le prix cher, parce que quand tu vas, je sais pas si t'as déjà été aux enchères. quand tu vas aux enchères, bon, ils mettent le prix fort. C'est où ça? Les enchères, c'est quand tu vois, il y a des objets de collection qui vendent. Ouais, ils veulent vendre pour plusieurs personnes. C'est pas, ils vont faire des signes comme s'ils voulaient s'y faire. Mais, ok. Et là, ils mettent non, le prix fort. Non, 5 minutes. J'aimerais bien que tu lui répondes à Gode Ceinture, là, ce qu'elle vient de dire. Non, mais attends. Pour l'instant. C'est vrai qu'il y a de la sodomie dans l'air. Ouais, il y a de la sodomie dans l'air. Toi, tu fermes ta gueule pour ça. Et tu éteins ton micro et tu fermes ta gueule. Et c'est tout. Je veux plus t'entendre. Ça fait du bien, la sodomie. Oh, vos gueules derrière, d'accord. Toi, Fulgar. T'évites de t'amuser. Quand même la nana qui dit que ça fait du bien à ce demi. Ouais, mais ça. Comment? Non, elle mange des escalopes. C'est pas que je suis salope, mais j'adore ça. Elle a dit, elle mange des escalopes. Bonne gueule! Ah, mais Gigi, t'énerve pas. Je vais pas tarder à me casser là parce que t'as trop gueulé dans ma tête. Moi, je veux savoir le nombre d'auditeurs maintenant. Est-ce que demi? Je sais pas. Arlette. Manon, faut que tu te rappelles mon pote. Voilà, faut que tu te rappelles une fois. On sait pas du tout combien on est. Apparemment, on a perdu 500 personnes quand t'as gueulé ta gueule. Et je sais pas combien on est. En plus, ils m'écoutent pas de toute façon. Non, mais moi, je voudrais une question. Il écoute même pas. Non, mais il écoute plus. Non, mais je voudrais. Ah, on est à 7945. On a perdu 7945. Mais ça va remonter, GG, t'inquiète. Gérard, va me chercher un café, bagne-toi. Alors, troisième question. On accueille Pétoman. On accueille Pétoman. Bonsoir, Pétoman. Bonsoir, Pétoman. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, mes potes de fuck. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Gérard, j'ai entendu tout à l'heure parler des collections qu'il fallait avoir beaucoup d'argent. C'est faux. Moi, j'ai trouvé le moyen de remédier à ça. Je peux te dire la collection que je fais? C'est fou ce que tu dis. Bon, alors maintenant, je commence à en avoir ras-le-bol. Vous allez arrêter de dire des conneries, parce que les habituels que j'ai, je commence à en avoir ras-le-bol. Maintenant, vous allez fermer vos gueules, vous allez m'écouter, c'est moi qui commande le jeudi. Et maintenant, Fulgar et Manu, vous allez faire votre boulot. Exactement. Parce que sinon, le jeudi, c'est moi qui vais sélectionner. Je commence à en avoir ras-le-bol. Qui c'est qui gueule comme ça derrière? Ça, je sais pas. On va savoir, il est en laisse commencer à en avoir ras-le-bol. On est qu'à la deuxième. Il est à peine 3h20. À peine. On finit à 3h. À peine. Déjà le premier. Ah, et moi, ça passe vite. C'est vrai. On voit pas le temps passer, le soir. Non, c'est bien ça, on dit, Gérard, t'avances pas. C'est clair. Alors, toi, Pétoman, tu t'écrases. Oui, Gérard, pas de problème. Gérard, tu peux parler un peu plus fort parce qu'on t'entend très mal. Hein. Ah non, lui demande pas de gueuler, s'il te plaît. Non, mais articuler, c'est mieux. Oh là, je commence à en avoir ras-le-bol des habituels. Oh moi, je suis pas une habituelle. Hein. C'est faux. Gérard, c'est Pétoman, je peux répondre à la question? Alors, mène-toi parce que je vais pas m'éterniser là-dessus. Alors donc, moi je suis collectionneur, je collectionne des proutes. Donc en fait, je t'explique le principe, je pète dans un bocal, je l'étiquette, et puis ensuite je me fais une petite bouffée été 85-86. Ouais. Ah, c'est dégueulasse. Alors Pétoman, tu vois, tu as collectionné tes proutes dans ton lit. Ah, attends, mais c'est dans un bocal. Au revoir, c'est dans un au revoir. Tony, tu fermes ta gueule. Y a pas de Tony. Gérard. Il y a des. Attends, Rigaud. Fulgar, t'arrêtes avec cette histoire de Christine parce c'est que. C'est moi! Parce que ma seule avoir à l'aide ce soir! Mais non, c'est une auditrice! C'est toi! C'est une auditrice! C'est toi, espèce de connard! Oh là là. Je te jure que non! Si, c'est toi! Non, Gérard, c'est moi! Ben voilà! Voilà! Pas de question! Ta gueule, toi! Non, c'est juste sur IRC, Baby One, il aimerait bien récupérer God Ceinture pour sa collection de champignons et de mycoses. Non, bah lui, c'est qui? C'est Baby One. Ouais, bah Baby One, il va se faire foutre. En de bon entendeur. Putain! Ah, c'est pas gentil, hein. En fait, c'est à Isti, désolé. Allô? Vous allez me mettre à pleurer, franchement, hein. Allô? Allô? Réponds, Gérard, il arrête pas de dire allô. Non, bah lui, il va se faire enculer avec ses halos. Oh là là. Devrait-on vendre sa collection pour de l'argent ou autre? On va demander ça à Philatéliste. Philatéliste. Bah non, bah non, si on a une collection, on la vend pas, c'est dégueulasse. Je veux dire, on a mis des années pour la prendre cette collection, alors on va pas vendre des games. Ouais, non, non mais regarde, je te coupe 5 minutes. Ouais. Parce que, par exemple, c'est une collection de cartes téléphoniques ouais. ou autre. Est-ce que tu la vendrais pour de l'argent ou pas? Bah si, si je suis en manque de thunes, ok, ouais, mais franchement... Ouais, mais, non mais, je pense que les cartes téléphoniques, tu pourras toutes les vendre pour faire de l'argent. Ah non, c'est sûr que non, hein. Les cartes téléphoniques c'est pourri, mais si on a des collections un peu plus intéressantes, oui. Non mais, parce que moi je peux te dire une chose, que des cartes téléphoniques, j'ai une boîte à sucre qui est archi pleine. Ouais. J'en ai en double, bon, s'il y en a qui veulent en échanger, donc qu'ils écrivent au 22 rue Barrière, Paris 8e. Mm-hmm. Hein, donc, C'est 20 rue Barrière. Non, c'est 22 rue Bayard. Ah non, c'est 20 rue Bayard. 20 rue Bayard. Ouais, 20 rue Bayard, c'est pas grave. Et qu'est-ce que je veux dire? Mais ils les échangent contre quoi, les cartes téléphoniques des Pins? Bah ouais, parce que je vois pas. Hein. Non, mais qu'ils m'envoient soit... Des clubs, des pins, des... Non, des pins ou autre. Des capotes? Non, des capotes, non. La vaseline pour la sodomie, non? La pommade? Non, non, parce que je m'appelle pas Tony comme hier. Mais attends, ça peut toujours servir, hein. Ah oui, ah oui, prendre la vaseline quand même. God ceinture, tais-toi, toi. Good, s'il te plaît, merci. Ah bah merci, c'est sympa. Hein. Tais-toi. Ah, merci. On va accueillir. Les fesses, hein. On va accueillir Bertrand Spiration. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Bertrand. Bonsoir à toutes. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors donc, t'as entendu la question, non? Ouais, ben bah écoute, moi à la limite, j'ai été intéressé par ta petite annonce pour faire des échanges avec les cartes téléphoniques. Tu disais que t'en avais une boîte à sucre pleine, quoi. Mmh. Alors moi j'ai deux collections, je collectionne le parasite pubien, si ça t'intéresse. Non, ça m'intéresse pas. Les maladies vénériennes aussi non plus. Non plus. Bon bah voilà, bon bah écoute, on n'a pas réussi à trouver un terme d'arrangement alors. Non bah donc alors êtes-vous pour ou contre les collectionneurs? Donc un petit sondage, 45% des gens sont pour les pour 45% des gens sont pour collectionne les poils de testicules. Alors ça, qui c'est qui a été me chercher ça? C'est sur internet. Non, non, non, non, non, non. Non, non, non, non, non. Rigaud, dis-lui. Non, non, non. Rigaud, il n'était pas là hier, il était malade. Alors, mettez pas ça sur le dos de Rigaud, parce que j'avais que boulot hier soir. Alors, tu vois, les réponses là-dessus, je ne les ferai pas. Bon, ben, t'auras plus de sondage. Bah voilà. Non, mais hier, t'auras plus de sondage. Hier, t'auras plus à chercher avec nous. Non, Rigo, hier, t'étais malade. Mais oui, t'as fait aujourd'hui. Aujourd'hui. Ouais, mais non, mais t'étais pas là. Mais aujourd'hui, non, mais laissez tomber, je comprends rien. Je comprends rien, Gérard. Non, non, mais moi, des trucs comme ça. Mais on a le droit de collectionner les poils de testicules. Ah ouais, de toute façon. Non, mais là, faut quand même pas se foutre de ma gueule hein, quand je demande des trucs. Sur IRC, il y a Davy One, il me dit que tu collectionnes bien les porte-monnaies de tes ex. Alors lui, il va se faire enculer des Davy One. Oh là là, c'est pas vrai. Alors, 31% des gens sont contre... Davy One. Des gens sont contre et collectionnent les vents et les courants d'air. Alors ça, c'est vachement intéressant. 21% des gens collectionnent les pour et 16% collectionnent des comptes. Or, des trucs comme ça, moi, c'est même plus la peine de me faire de sondage. Gérard, sur IRC, il y a Alan Clark qui te demande si tu es pour la bicollectionnalité. Non. Pour l'instant, on n'en est pas là, on en est toujours à la troisième et je voudrais qu'on inquiète parce que... Non, mais c'est trop compliqué. Hein. Ouais, Gérard, tu peux bicollectionner. Alors, devrait-on vendre sa collection pour de l'argent ou autre? Il est 3h moins de quart et je voudrais qu'on accélère, s'il vous plaît, merci. Tu peux répéter la question? Non, je ne répète plus, alors tu vas te faire foutre. Alors, on y va. Chanel. Oui. Ah non, pour rien au monde, je ne vendrai mes collections. Elle collectionne quoi, Chanel? Tes collections préférées, c'est quoi? J'ai beaucoup de bouteilles de parfum. Oui. Une bouteille d'un litre, pleine. De quel parfum? Pas de marque, mais des bouteilles chères. Mmh. Ouais. Chanel, c'est ça? Par exemple. Sinon, je collectionne les poils pubiens de mes différents amants. Oui. Ah, là, je suis d'honneur. Mmh. Pas de problème. God ceinture. Oui, preneuse. Non, mais j'entends plus, là. Oh putain, un fil d'art. Non, mais vas-y, je t'entends, là. Putain, Pilar, je t'ai trippé, toi. Devrait-on vendre sa collection pour de l'argent, c'est ça? Ouais. Oui, bah écoute, c'est vrai, comme disait Philatéliste, si t'as besoin d'argent, t'es obligé de vendre ta collection. Mais si t'as fait une collection et que t'as commencé à en faire une, c'est pas la peine de la vendre si t'as de l'argent. Tout voilà. dépend si t'es riche ou si t'es pauvre. Exactement. Ok. Tu collectionnes quelque chose Moi, je collectionne les Casimir. Les gros Casimir. T'as un gros Casimir chez toi? Ouais, j'ai un gros Casimir chez moi et j'en ai un deuxième qui est un peu plus gros. Il vient de se raser, ton Casimir? Non, il se rase jamais. Hein. Il met du parfum? Du parfum, ouais, de temps en temps, ouais. Mm-hmm. Je citerai pas de marque. Hein. Non, pas de marque. Non. Voilà, je t'ai répondu, Gérard. Gérard, okay. Sur le Minitel, il y a Tony qui demande, enfin pas le Tony des débats, Tony Truand, qui a 28 ans, il demande si toi, ta collection préférée, c'est pas les débats pour nous. Ces débats, lui, je l'emmerde. Il t'emmerde, ok. Ok. Alors, le bon entendeur, Sally. On se met un disque et puis on va se retrouver pour la fin. J'aurais préféré profond. Un petit coup dans les fesses, mais... On va se retrouver pour la fin. C'est quoi, là? On est combien, là, Rigo, s'il te plaît? On est 4 dans le studio, c'est bon. Non, Putain, mais arrête, Puldin, avec ça, j'en ai marre. Mais c'est pas moi. C'est pas lui, tu vois pas que c'est pas lui? Putain, j'en ai ras-le-bol. On est combien sur l'Internet avant que je balance le disque? Oh là, je crois... On a baissé, je crois. Non, on est à 9102. Oh, hein? Oh putain. 9102. Oh merde. Oh la vache. Non, on va pas. Ouais, il va nous faire chier. Ah, mais moi, j'ai dit, je mille connecter avant 3 heures. Ok. Et alors, donc, on s'écoute les filles à TDC qui pue avec colle-moi le timbre avec ta langue, mon gros cochon, et on se retrouve tout de suite après pour la fin des débats des collectionneurs sur Fun Radio. Et voilà, c'était les Philatel 6 qui puent avec colle-moi le timbre avec la langue dans mon gros cochon. Et on récupère pour la suite et fin du débat parce que comme on était un peu en retard, donc on va accélérer, donc c'est pas de ma faute. On récupère God Ceinture, bonsoir. Rebonsoir. Rebonsoir, toi. Chanel. Rebonsoir, Gérard. Philatel 6. Bonsoir Gérard. Bertrand. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et voilà, et donc pour finir, parce que. On va faire. Comment est organisée une journée chez un collectionneur? Bah, t'arrives le matin vers 9h. Non, pour l'instant, c'est pas toi que je m'adresse. Toi, quand je t'appellerai pas de chambre, tu sortiras sous les consoles. D'accord. Ok. Et sinon, c'est on verra après. On va demander ça à Bertrand. Ouais, bah écoute, moi je dirais collectionneur ou pas collectionneur, le premier geste important de la journée que beaucoup de gens semblent négliger, c'est quand même le petit passage par la douche. Mm-hmm. Je pense que c'est indispensable d'avoir ne serait-ce que les mains propres pour manipuler sa collection. Je sais pas ce que t'en penses, GG. Ah mais je t'écoute, vas-y. Donc je dirais matinée petite douche, l'après-midi petit classage de collection, quoi, quand même, pour rester dans l'esprit. Et puis de temps en temps, je sais pas, une petite foire histoire d'aller échanger. Je sais pas, toi c'est quoi, c'est les camions, c'est ça? Ah ben moi j'ai changé. Tu vois, je vais pas échanger. Non, mais c'est comment est organisée une journée chez un collectionneur, tu vois? Moi par contre, tu vois, ce que je ferais, j'irais bien voir pour essayer de trouver le fameux camion que je recherche. Le Magnum, là, c'est ça? Oui, le dernier Renault, là, qui est ça. On peut y aller demain, si tu veux. Pas avec toi, hein. Même ce soir, si tu veux, hein. C'est un camion frigorifique. Cette nuit, on peut y aller aussi, hein. Comment tu dis qu'il s'appelle, Gérard? Oui. Comment tu dis qu'il s'appelle? Le Magnum. Magnum c'est... comment? Non, mais c'est... T'as pas c'est... sur 5 clubs, non. Non, mais Magnum, tu vois la glace. Mais c'est la série télé, ça. Ouais. La série télé... Parce que moi, je connais bien Monsieur Magnum, et si tu veux, je peux t'en faire avoir un. Hein. Non, mais moi, je veux le Magnum sur coussin d'air, parce que moi, je suis un coq. Comme Selec. Moi, j'adore les camions, et donc, dès que je vois un camion, je peux pas m'empêcher de le regarder. Non, mais t'as raison, il est très, très beau, en plus. Non, hein. Il est comme les chiens, il fait pipi dessus. Attends, Rigo. Non, sur IRC, on me demande si, quand tu vois un camion, t'as la gaule. J'étais routier, donc j'adore ce camion-là. C'est un nouveau camion, c'est vrai que pour monter dedans, c'est pas évident. T'as soif de camion quand même. T'as soif de camion. Ah ouais, mais moi je suis accro. Ah ouais, t'as l'écro, quoi. Ah moi, t'aimes l'écro, nuance. Non, mais moi je suis accro de camion, donc c'est pour ça que. Ah, c'est clair, hein. Ça ferait pas. Rigo, attendez 5 minutes, s'il vous plaît. Bon, allez, je vais le dire quand même. Davy One, encore lui, et ça va pas te faire plaisir. Il te demande si c'est parce que t'aimes les poids lourds que t'es avec Sandy. Oh non, putain. Alors lui, il va se faire foutre. Au revoir. Putain, tu fais de la merde, Hugo. Tu fais de la merde. Chanel. Davy One. C'est vous, Chanel. T'as répondu, Gérard. T'as répondu. God Ceinture. Ouais, répète la question. Non, je répète pas. Ah, si, je m'en rappelle, ça y est. Bah écoute, je pense que le matin, il se lève à 7h30, il prend un bol de collection de, par exemple, de cassettes vidéo. Ok. Et le midi, il déjeune, tu vois, il prend aussi encore un bol de, je sais pas, de n'importe quoi. Hein. Non, ouais, et le soir, il peut faire pareil, il prend un bol de, mettons, de carnet. Je sais pas si vous remarquez quand même, elle a pas parlé de douche, hein. Non, ça se passe. Dans la journée, elle n'a pas parlé de douche. Puis la ça dépend des collectionneurs. Alors, moi, écoute, pour les collectionneurs, à mon avis, ils se lèvent tôt le matin, donc ils prennent une douche, hein, forcément. Voilà. Mmh. Ensuite, pour les filles ou les mecs, évidemment, qui font des collections de conquêtes, à mon avis, ils se préparent toute la journée et le soir, ils sortent en boîte ou au bar, etc. Et voilà, c'est comme ça qu'ils collectionnent les mecs. Sinon, pour les autres qui font des collections un peu plus normales, c'est genre les antiquaires, les foires, etc. quoi. Ouais, Bertrand. Ouais, je voulais savoir si t'aimes les camions. Est-ce que dans les camions, ça serait la graisse qui t'attirerait? Alors, attends. À titre d'info, non, mais savoir parce que attends, Bertrand. Moi j'ai Bertrand. Mais vous les camions. Oh. Bah ouais, Bertrand. Comment tu veux qu'ils marchent sinon? Ils tripent sur les gros cubes. Hein. Lui, c'est pareil, il tripe sur les gros Bertrand, culs, voilà. Oui. Bertrand. Non, mais il a tout à fait, oui. Bertrand. Oui, bonsoir. Tu répètes ta question. Je te répète ta question et tu vas me redonner ta réponse parce que là, je vois pas du tout ce que tu veux dire. Comment est organisée une journée chez un collectionneur? Alors, tu disais, et les autres derrière, vous vous taisez, s'il vous plaît, merci. Alors, Bertrand. Bah alors, Fildard. Manu. T'es hors antenne. Ouais, tu m'étonnes, j'aime pas trop, hein. Manu. Oui. J'aime pas trop l'équipe technique là. Hein. Ouais, j'ai mais... une bonne part là. Ouais, moi, Mao Tigueri ou deux là, vas-y. Alors, Bertrand, bon, ça va? Non, oh. S'il vous plaît, derrière. Vous laissez Bertrand répondre, s'il vous plaît, merci. Alors, Bertrand, tu réponds. Bon, Manu. Putain, allez hop, terminé. Voilà. Conclusion du débat. Voilà, merci les mecs. Merci Manu. Merci. Merci Manu. GG, si c'était toi, je me lèverais, je leur mettrais une part chacun. Non, mais je pense que j'ai déjà pris. Hein. Vas-y Bertrand. Non, mais c'est bon. Vas-y, c'est bon, Bertrand. GG, j'y vais ce coup-ci pour de bon, ok? Vas-y, Bertrand. Je peux y aller, hein? Ouais. Vas-y. Mais Gérard, parle plus fort parce qu'on t'entend, franchement. Attends, je vais y aller. Je vais pouvoir parler, je me méfie parce que j'ai pas envie qu'il me coupe. C'est bon, là, je peux y aller, GG? Vas-y. Ok, bon, mais je vais pas tarder à y aller, là. Attends, je me chauffe, hein, je me prépare à y aller, c'est pour ça. Aperçois, Bertrand, ça va? Vous êtes prêt à écouter ma réponse, hein? Ouais, ouais. Ok, elle vient de loin, hein. C'est bon, GG, t'es toujours réveillé, hein? GG, je peux répondre? Bon, tu t'accouches ou pas? GG, je peux répondre? Oui, bon, donc. Bah, vas-y, accouche. Je voulais dire que, en fait, Gérard. C'est bon, compétent. Ouais, je voulais dire, donc, en fait, que je faisais référence à ton allusion au camion tout à l'heure. Et je voulais savoir si dans les camions, c'était plutôt la graisse qui t'attirait ou les gros cubes. Alors, tu peux préciser? Bah, non, la graisse, tu vois, la graisse, les moteurs, tu vois, la graisse. Et puis, les gros cubes, quoi, les moteurs. Non mais attends, je vois pas du tout ton rapport. Alors, ta question n'a rien à voir. J'ai compris, hein. Moi j'ai jamais compris. Ouais. Même goût de ceinture. Ah bah voilà. Voilà ce que je cherche comme camion. Ah, qu'est-ce que t'as là, des photos? Tu peux dire décris parce que les auditeurs ils voient pas ce que t'as dans les mains. Un camion poubelle. Non, là j'ai un camion. J'ai un Renault Magnum 1987, donc... Mais tout récent, en plus, c'est bien. C'est un vieux. C'est le dernier Magnum. Ah oui, 83, c'était le dernier. Non, je crois que le dernier, c'est les... 83. Non. 72. 72 à Biarritz. Non, il y en a un autre. Il y en a un autre avant. Là, Gérard. Quoi? Ferme ta gueule! Va te faire enculer, toi, connard. Oh là là. Et il est périmé, ton Magnum. Ouais, bah il est périmé, surtout qu'il existe encore, hein. J'en vois constamment, hein. Pas mal. Bah, ça doit être des jumeaux. Ouais, ça doit être... Alors, donc... Question suivante. La dernière question, parce qu'il est... il est 3h, donc on va conclure vite fait. Y a-t-il... non. Non, pas celle-là. Partiriez-vous... Oh là. Ah, GG, tu fais quoi avec ton portable? C'est ton casque, hein, Gérard, ça. Ton pacemaker. Il va crever. Tu m'étonnes. Bon, GG. Bon, GG. Robocop, là, vas-y. Arrête de toucher. Oh, Bioman. Mets ton bête ton nez. Alors, qu'est-ce que ça donne, Gérard, là? Ouais, c'est bon. C'est le vibreur dans le dos. Oh là là, Gérard, fais gaffe. Fais gaffe avec ton volume. Donc, Qu'est-ce que tu fais? Oh, j'ai été bien écoulé ce soir. On dirait que tu débutes, hein. Alors, Gérard? Bon, il se passe quoi? Bon, c'est bon. Alors, donc, où acheteriez-vous des objets de collection? Où acheter-ce? Acheteriez-vous? Où acheteriez-vous des objets de collection? Acheteriez-vous? Daniel Esther. Ah, c'est quand même assez dur comme question, hein. Acheter ou acheter? Auriez yéyé. C'est toi qui as écrit ça, Sandy? Auriez ou eu? Auriez ou eu? Elle est là, Sandy? Bon, alors, comme apparemment vous êtes en train de parler. T'as des problèmes pour prononcer, GG, hein. Ouais, alors, un peu comme moi aussi, hein. Y a-t-il plus. Mais ouais, t'as laissé toi là-bas! Mais non! Je peux pas bouger, j'ai pas de. T'as arrêté le gosse ceinture visible, là, ou quoi? Qu'est-ce que t'as fait, Gérard? Ah, t'as déconné, là, Gérard. Oh là là. Je parie qu'il a tout cassé, Gérard. Il a rien cassé du tout. Bah, tiens-le à la main, tiens-le à la main. Faut que tu... Bon, alors la question. Il a pété le chromie. Ça va tiens. Oh, ça va tiens. Rizoli. Tu veux pas nous faire comme Rizoli, là, une petite pirouette avec... Vas-y, fais tourner. Attendez, Gérard répare son micro, là. Ah, vache, il est pas con. C'est bien fait. Mais attends. Mais c'est lui, là. Regarde, Nathan et Max. Arrête de gueuler, c'est toi qui pète toi-même ton micro et tu t'arrives à dire que c'est fini. Dark, il a fait, mais tu vas pas bien, toi. Ah, mais comment tu vas faire si t'as cassé ton micro? Bon, alors, y a-t-il plus collectionner est-il une passion en France ou autre? Et c'est la dernière question parce que j'en ai ras-le-bol. Y a-t-il plus? Oh là là, merde, vous me faites chier. Y a-t-il plus de collection? Je sais pas trop quoi, là, j'ai pas trop compris. Y a-t-il plus de femmes ou hommes qui collectionnent? Ah, d'accord. Ah, c'est pas la même question tout à l'heure. Oui, oui, non, t'as changé, là. Ouais, bon, c'est comment je m'appelle, Bertrand? Inspiration, ouais. Bah écoute, je pense que c'est unisexe, donc il y en a pour tout le monde, hein. Y a pas de jaloux. Je pense qu'il faut pas être misogyne. Je sais pas ce que t'en penses. Il faut accepter la parité. Il faut pas être misogyne, quoi. C'est tout. Bien. Qu'est-ce que t'en penses, GG? Ok, c'est bon. Tu penses quoi, toi, de la misogynie? J'en ai rien à foutre. File à tes cigares. Gérard, va me chercher un café, mange-toi. Là, moi aussi, j'en veux bien. Ramène un sucre. Oui, oui, et bah, écoute, je pense que oui, il a raison, Bertrand. C'est pareil pour les mecs et les filles. Voilà. Exactement. Pas de sexisme. Chanel. Pas de sexisme. Tout à fait, dans tout à fait raison. Quoique, je vois pas trop des filles collectionner des camions. Mais bon, là, je m'interroge. Peut-être des routières. Ouais. Mais bon, pas dire un QI, avoir un QI très haut, quoi. Sinon, bah oui, tout le monde peut collectionner de n'importe quoi. Exactement. Bien sûr. Même les clubs. Même quoi? Même les clubs. Regarde mon club qui collectionne les clubs. Je collectionne les puces et les tics et voilà, c'est tout. Voilà, pas de discrimination. Pas de discrimination. God ceinture pour finir. Bah écoute, moi je pense que c'est égaux, hein. Aussi bien les femmes que les hommes, que aussi les personnes âgées, même les enfants. Hein. Ouais. C'est clair, hein. Et les chèvres. Comment? Conclusion, parce que là... Ça va plus, là, hein. T'es sous un tunnel? Mais Gérard, où tu vas? Où tu vas, Gérard. Gérard! Oh putain, il y a encore un taxi. Oh là là, mais je sais, tu le fais exprès ou quoi? Mais c'est ceinture, Good ceinture. Appelle-le. Allô? Non, mais il va voir que tu le gères, hein, quand il va retourner à la maison, parce que là, c'est le bordel. Ouais, vas-y, dis-lui qu'il tu veux pas faire ton cri quand t'es en rue, tu vas peut-être revenir. Ah, mais GG, reviens. Gérard! On t'entend pas, là. Gérard! Oui. Gérard! Non, mais goût de ceinture, faudrait lui dire qu'il arrête de gueuler, surtout. Taquine la bouteille. Gérard, taquine le boulot. À moins qu'il soit parti aux toilettes, hein. Ouais, en plein débat, c'est bien. En plein débat, ouais, logique. Gros fanvis. C'est bon, le placard. Le black arrive, c'est gros caca à démouler. Allez, on finit, GG, rapide. Allez, conclusion. Allez, victoire rapide. À la main, là. Allez, on va faire ça vite fait. Bah, ça devrait aller mieux, là. Non. C'est toi qui fais du Larsen tout seul, là. Ton et casque, oui, il est à regarde, fond. Gérard, regarde. Si tu mets ton casque à côté du micro, tu vois. Non. Le bleu billet. Bon, conclusion. God ceinture. Voilà, bah, conclusion, très bon débat. Et bah, ce que j'ai à dire, collectionnez tout ce que vous voulez, quoi. tout. Ça peut être aussi bien les garçons que les, n'importe quelle collection, peluche, tout. Ouais, c'est vrai. Voilà, allez, et en plus, allez-y. N'hésitez pas. Foncez. Allez jusqu'au bout. Foncez dans le cul. Même si ça va pas, essayez. Même quand il n'y a pas de pommade. Chanel. Voilà. Chanel. Moi, tu m'excuses, mais là, il faut absolument que j'aille aux toilettes parce que ce midi, j'ai mangé des fibres et j'y vais, sinon je vais me faire dessus. Salut. D'accord. Ah, mais ça fait mal, hein. Pourquoi ? Fila T6. Alors moi, écoute, moi, j'ai bien aimé le débat parce que j'ai appris que t'aimais bien les camions et les gros cubes. Et c'est surtout que ce qui m'a fait le plus marrer, c'est comment tu prononces mon nom. Voilà, c'est tout. Ouais, mais ça, c'est pas de ma faute. Bertrand, pour finir. Bah écoute, je pense que ton débat s'est plutôt bien passé. Ce que je trouve dommage, c'est que t'as gueulé un petit peu beaucoup pour le pauvre Rigo. Parce que je suis quand même dans son cas, je suis comme lui, je suis malade, j'ai eu du péché avarié, donc merci, c'est mec. Pas sympa. Et je voulais dire en conclusion, c'est bien qu'on n'ait pas trop parlé du fait que God Ceinture, elle aime bien faire ramoner l'usine à caca avec du sable ou du papier de verre, voilà. Eh ben, God Ceinture, attends, merde. Ok, alors en de bon entendu, salut. Elle s'est quand même enculée, quand même. Ouais, ben... Puis elle a dit qu'elle aimait ça. Tu me laisses God Ceinture hors antenne. Non, mais on a d'autres avec des piles et tout. On a des autres God. Gérard. Oui. Ouais, sur IRC, il y a une conclusion. Il y a les habituels Arnett, Tony et Goldo. Comme tu veux pas d'eux dans les débats, je vais quand même lire leur petite conclusion. Ils disent qu'il faut que tu stoppes tes débats parce que tu collectionnes les veaux, les dindons et aussi il faut que tu stoppes la bière avant les débats et arrive à l'heure pour tes débats, tu seras gentil. Ouais, bah ça. Là-bas. Non, ça c'est la faute des gens qui ont des accidents. Ouais, ouais, non, mais. De toute façon, c'est jamais de ta faute. Quand tu gueules, c'est pas de ta faute. Quand tu casses le matériel, c'est pas de ta faute. Non, mais là, j'ai pas cassé et simplement retiré le micro. Donc, on était combien pour finir ? On a fini à 9997. Oh merde. 9997. Record battu. Et il y a une conclusion de Yankee, de Davy One et de Turpentine. Ils m'ont sorti tous les trois la même. Ton débat, il a ni queue ni tête comme toi. Bon, ben ça, je m'en serais douté. Ça sert à rien de me le préciser, Rigo, sur l'antenne. Et sinon, il y a Fesse de Babouin qui dit qu'une fois rentré chez toi, tu pourras mettre ce débat dans ta collection de débats de merde. Quant à lui, il va tout de suite chier sur ton palier. Eh ben, il va faire ce qu'il va vouloir. Donc, n'oubliez pas que... Et ta conclusion, toi, Gérard. Attends, bouge ça. Ah voilà, tu vois, c'est simple. Non, leur bouge pas, ça va le refaire. Donc, alors, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que dimanche, vous allez retrouver Gérard et Sandy pour les conseils. C'est qui ces deux clowns? Alors, toi, tu fermes ta gueule, d'accord? C'est un conseil que je te donne. Donc, c'est Rigo qui va vous sélectionner sur le répondeur aux... Non, c'est Rigo, j'ai dit. J'ai dit que c'est Rigo, c'est moi qui commande. Gérard, je vais te dire un truc. T'as tellement gueulé que la fièvre allait remonter. Donc, à mon avis, je serai pas là dimanche. Quoi. Bon, ben, on verra. Donc, je te remercie d'ailleurs d'avoir fait remonter ma maladie. C'est vachement sympa. Ouais, mais ça ira mieux d'ici dimanche, Rigo, t'inquiète pas. Un bon petit une bonne petite pseudo et ça repart. Un bon sirop de cordium. Un bon thé chaud avec du rhum. Téchi avec du rhum. Non, un thé. Un bon téchi. Un bon thé avec du rhum, je pense que ça devrait aller. Mais t'oublies le thé, ça sert à rien. Et donc dimanche, n'oubliez pas que vous avez rendez-vous avec Gérard et Sandy pour les conseils. Et donc la semaine prochaine les débats, je ne sais pas sur quoi ils vont pas parler. Donc alors maintenant une précision que j'ai à dire, c'est que j'en ai parlé avec Max et Max il m'a dit de le dire. Donc si on a sélectionné une nana au standard, faudrait peut-être qu'elle fasse son boulot le jeudi, parce que si elle est pas là pour épauler Manu et Fildar lors des débats, ça ne sert à rien qu'elle reste. Alors, si dimanche, elle n'est pas capable d'épauler les gens au standard, ça ne sert à rien. Qu'elle reste chez elle, ça vaudra mieux. Voilà. Alors, en demande entendeur, salut pour elle, elle sera reconnue. Donc, ça aide de voir. Elle ne fait pas de débat, Sandy. Elle ne fait pas de standard, Sandy. Non, non, mais c'est Apolline qui est au standard. Ah, Apolline, ouais. Donc, si elle n'est pas capable de vous épauler le jeudi, pour faire les débats, ça ne sert à rien. Donc, dimanche, ça ne sert à rien qu'à ce qu'il y a. Ah ouais. On n'en a pas besoin. Qu'elle aille à Lille, et c'est tout. On n'en a rien à foutre. Mais moi, je ne veux pas du travail de merde, c'est tout. Alors, si elle a été sélectionnée par Max, donc qu'elle fasse du boulot. Qu'elle soit là, qu'elle vous épaule. Ouais. Ok. Donc, dernière conclusion avant qu'on laisse la place à Seb. Rigo Lapin, pour finir, avant que je laisse la place à Seb sur l'Internet. Tu laisses la place à Seb sur l'Internet. Seb, pour la nuit sans pub. Donc, si on pouvait avoir une petite conclusion là pour terminer les 3h10 du matin. Donc, pour savoir combien qu'on est pour finir, si on est toujours à 9997. Il y a plein de conclusions. Comme d'habitude, Gérard collectionne les débats à chier, les gueulantes inutiles. Ça, je suis d'accord. Et tu ferais mieux d'arrêter ta collection de slips usés. Mmh. Et moi, sur une petite conclusion sur. Non, mais très sympa. C'est Gérard, le deuxième débat sur les collections était très sympa. Et une question, c'est une question de Jupiter. Il voudrait savoir si c'est toi qui vas remplacer Koé sur énergie. Alors là, je lui réponds même pas, c'est toi qui vas, parce que toi dans la voiture à Max, quand t'es venu me chercher, t'écoutais quoi? Skyrock. Alors t'es vraiment un fumier, toi. Pour finir, on est combien, Rigo? Je sais pas, on n'a pas bougé. J'étais déconnecté, là, je sais pas. Oh, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, donc... Manu, c'est quoi? Donc, je pense qu'on... Attends, je vais te dire ça. On était 9997, donc on se retrouve la semaine prochaine pour des prochains débats. Et n'oubliez pas, dimanche, 23h30, minuit, les conseils de Gérard et Sandy. Et Max, quand même, à partir de 22h. Et Max, dès dimanche, 22h. Et n'oubliez pas, la loco, demain soir, Max sera à vos... sera... À vos côtés. À vos côtés, à la loco. Alors, c'est les collectionneurs de camions avec Métagrosse remorque au fond de mes fesses. Et je vous dis à dimanche. Bonne soirée, bonne nuit et bon week-end.